Il y en a qui donneraient tout pour changer d'époque, pour gagner le cœur d'une autre ou éviter les chocs. Il y en a certains qui veulent tout, le dessus et les dessous. Il y en a qui ne veulent jamais dormir au même endroit, qui rêvent de sauver le monde ou d'inventer des lois. Pour des hommes et des idées, pour des femmes et des années, on rêve tous d'attraper une étoile. Moi je veux vieillir avec toi, c'est mon plus beau rêve ici-bas. Oui, je veux vieillir contre toi, c'est mon plus grand rêve ici-bas. Il y en a qui rêveraient de faire le tour du globe, de parler dans l'hémicycle ou de porter la robe. Il y en a certains qui ne veulent rien d'autre qu'un joli matin. On a tous un rêve qui nous porte. Moi je veux vieillir avec toi, c'est mon plus beau rêve ici-bas. Oui, je veux vieillir contre toi, c'est mon plus grand rêve ici-bas. Là où la vie n'en finit pas.